Porto Linear Batax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Vous écoutez Radio Panique, c'est le 105.4, c'est l'émission Tortoli et Arbatax. C'est ça. What's up Arbatax? Ça va, ça la va forme, mon ami, la forme. Check, one, check. Prends ça. C'est bon ça, voilà. C'est bon. Alors petite erreur de notre ami Guillemette, notre fidèle speakerine, j'ai envie de dire. C'est pas 17, 18 aujourd'hui. On est le 21 septembre, c'est le jour de l'automne et ah, il oui est 18h en fait en direct. Petite modification donc, parce que... Quid, monsieur Arbatax, explique-nous, fais-nous une petite note de bas de page, parce s'il que te plaît. Depuis deux semaines, on était sur un événement spécial. Nous étions en émission, en direct, donc pour les deux dernières semaines, en direct de la place Wart à Saint-Josse, dans le conteneur de la Ligue des Droits de l'Homme, qui était là installé pendant un mois. Et il y a eu des petits échauffourées aujourd'hui, il y a eu des petites tensions... Et la vie était un petit peu moins belle cette semaine sur la place du Mistral. Que s'est-il passé entre Jennifer et Kevin? Non, voilà, donc on a replié les Gaules, on a replié les mics et nous voulons en studio. Donc voilà pourquoi il est 18h et pourquoi on est en studio. La vie est donc un petit peu moins belle, mais elle est quand même belle sur Tortoli Arbatax, sur le 105.4, ici à Radio Panique. C'est on va toujours se faire beau une petite émission en bonne et due forme, Tortolax, quoi ? En bonne et due forme, Jack. Yeah. Exactement. Et mais du coup, on avait préparé cette petite émission en pensant qu'on était sur la parce place. Parce que les échauffourées, là, nous, on a été prévenus un quart d'heure avant, quoi. On nous a dit, les gars, si vous voulez pas vous faire quiesser... Heureusement qu'on a regardé le journal. Voilà, c'est ça, on était là, breaking news, place Wart sous les bombes. Changement de programme, on est revenu dans les studios, mais à un quart d'heure près, c'était la cicatrice, hein, c'était les hématomes, quoi. Mais toi, t'es déjà bien marqué. Hein. j'ai un lourd passé. Un gros passif. T'en parleras avec Interpol. Très mais, bien. Mais voilà, donc on va quand même se mettre le petit générique qu'on avait prévu. Hein, je pense qu'il n'y aura pas de bouleversement à ce niveau-là. Et vous allez comprendre pourquoi on avait choisi ce générique. Parce que qu'à l'époque, sur la place, tout baignait. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? On va se rejoindre après. Une grosse émission. Il y aura encore du son, expression de la semaine. Et l'agenda culturel et tout et tout. Vous allez voir, on se retrouve dans quelques minutes après le générique. J'ai évacué par la journée toute forme de soucis. Je me la roule debout. Disons plutôt assis. Dans la foule, je perçois le rire d'une dame. Entre les gens, je rame pour m'approcher de la femme. Wow, est-ce que tu as vu? Ai-je la berlue? Une telle beauté, même voilée, ne passerait pas inaperçue. Y'a du monde dans la place. Cassez la voix, cassez la voix. Évidemment, sur ces parties, la vie n'a pas de sens. La tribu en formation, toujours dans la transe. Laisse ton corps me parler et continuons l'ambiance. Oni, sois qui mal y pense. Le damier est dans la place. Dans la place, la Tessie est là aussi. Nouméa est dans la place. Marseille est dans la place. Brighton est dans la place. Paris, les présences et que l'on perce sur les gens qui dansent. À part les textes, notre scène est un select. Un 770 brûle le fumeur et l'abîme. La femme est dans le corps des danseurs. Rapidement passe dans la salle et les cœurs. Pas arrivé là en un jour. Notre bagage n'a pas été fait en un tour. Demain je m'en vais donc vous compter le parcours. Et croyez que le voyage ne sera pas court. Il y a beaucoup de morceaux composés que l'on a modifiés, de rimes calculées, de failleurs raturées. Et les heures passées à échantillonner sans savoir vraiment si cela marcherait. Et tous ces kilomètres que l'on s'est tapé, Moïse à côté de nous n'a fait que se promener. On partait le matin tout bêtement. On arrivait le soir avec un bâton et des caligas. Et cela s'est répété tant et tant de fois que les stations d'essence ont le sourire aux lèvres dès qu'elles nous voient pour aller faire un concert à l'autre bout de la France. On avait l'impression que c'était le temps des transhumances. Toutes ces randonnées dans un but précis, celui de monter sur scène, histoire de voir si la température augmente dans la foule peu à peu, afin que nous puissions y mettre quoi. La feu. Ce soir on vous met le feu. Fais-nous les marseillais. respecte le médic et tout ira bien. Assure le steak ou fais un chèque. La bataille, partie de rien aujourd'hui parmi vous sur scène. À la force des mots, sans hésiter de danser en freine. Sonne si tu veux, crie si tu le peux. On met le feu, on met le feu, on met le feu. Cave des filles arrivent par-ci par la minga. Hasta la vista, señorita. I am ici pour embrasser la nuit. La partie, tu veux des sous, un crédit. Et ouais, parce qu'il y a le feu. Dieu que j'en rêve, Dieu que j'en rêve. Dieu, donne-moi la force de foutre le feu aux yeux des spectateurs et des spectatrices. Ex-spectateurs de cette voix des saucisses. Donne-moi la volonté pour ensuite écouter A, M. Et dans la place, je vais signaler que si tu sais que l'on vient en live dans ta ville, vite, tape le 18. Putain de fil de micro qui me casse les. Chut, je m'y suis pris les pieds encore un peu, c'était la chute. Sinon, tout va bien, chacun s'acquitte de sa tâche. À part quelques crises de folie de notre papa du scratch. La foulerie convient, tout le monde tape des mains. En avant le prochain morceau est là. Et là, toi, tu les sens prêts là. Ouais, je crois qu'ils les sont. Vas-y, tu peux y aller. Hein. À ma droite, est-ce que vous êtes prêts pour la première vague? Ouais. À ma gauche, êtes-vous prêts à vous défoncer les cordes vocales? Ouais. Pas de problème, pas de problème, ça nous engraine. Ça va filer, c'est pas la peine, le bordel. Quand vous verrez-vous pas dans une heure ou deux? Ce soir, ce soir, ce soir, on vous met le feu. C'est Tortoli et Arbatax. Y'a pas de gangsters dans les studios, y'a que des grandes gueules. Il manque une phrase en Hull, Hull, Hull. De retour dans les studios Radio Panique, vous écoutez Tortoli et Arbatax. Et voilà, c'était un espèce de... je sais pas, un générique qu'on a voulu cutter parce que... parce que la situation était telle qu'il fallait. Il non, fallait. C'est clair, c'est clair. Tout ne baignait pas. Tout ne baignait pas comme dans le monde de Ménélique, puisque c'était Ménélique le premier générique. Et derrière, c'était I am le feu, puisque. Puisque on peut le dire, il y avait le feu. Parce que voilà, apparemment il y a eu le feu, il y a eu le feu. On était en live à Saint-Josse et il y a eu le feu quoi. Donc les grandes gueules sont retournées dans les studios, comme l'a dit le jingle. Et bah c'est pas grave, la vie continue quoi. Hein, qu'est-ce que tu veux quoi. On a tous été un petit peu rebelles. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te lise? Non mais c'est vrai. Non mais quand tu penses, tu me dis la vie continue et tout. Ça me fait toujours penser à ça. Mais basta, allons-y. Passons à la musique. Passons à la musique. Puisque Tortoli et Arbatax, c'est une émission musicale. C'est ça. J'ai vu ton ami Dal au fond. Ah oui, t'as vu. Il faudra un petit peu. Il va bien. Il va bien. C'est un bon pote. Ça, t'avais pas c'est un ami de Dal, toi. Ah, je vais me coucher. Je vais. Tu vas rigoler ouais, encore. Je vais rigoler. Ça va être trop bien. Je vais m'endormir avec le sourire. Merci, Arbatax. Avec tes amis Dal aussi. Merci. Ouais, c'est cool, on a tous des amis Dal. C'est bon ça. Et j'allais justement en parler, hein, Tortoli, si tu me laisses deux secondes, s'il te plaît. J'allais dire qu'on part sur un petit duo qui fait bien plaisir. Un duo dentaire, tu veux dire. Voilà, alors, que je ne suis pas aux platines, hein, je ne suis pas un expert comme toi, Tortoli. je sais que nous allons nous passer The Drums et la métronomie, mais je te laisse choisir l'ordre et je te laisse choisir les titres. C'est comme si on n'avait pas répété, nickel. Et je sais pas, pic, collégram, bourbour, ratatam. Ça va être The Drums. Tu vois. C'est bien, tu l'as dit en Prums. Non, mais on est sur la même fréquence. Quoi. C'est ça qui est bien, quoi. On est sur le 105.4. Donc, The Drums, si je ne m'amuse, le morceau s'appelle Let's Go Surfing. Et puis derrière, il y aura Métronomie, Tortoli, le titre, et on envoie la musique. Bon, tu veux que je te le donne maintenant? C'est The Bay. Ce sera pour le prochain, c'est ça? Le titre de Métronomie, ouais, The Bay. Nickel. Mais là, pour l'instant, c'est. The Drums. Let's Go Surfing. Allez, allons surfer. Sur la vague du 105.4, Tortoli Arbatax. Bleh. Take a run down to the beach. Oh, C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. C'est Tortoli et Arbatax. C'est le retour des cow-boys. C'est Radio Panique. Métronomie avec le titre The Bay, issu du dernier album The English Riviera, à traduire par la Côte d'Azur. Prends ça, Google Traduction. Bing. Arbatax à l'instant, le groupe anglais Metronomy avec le morceau Bay, et juste avant c'était The Drums, Let's Go Surfing. Vous avez rendez-vous dans un instant avec l'expression de la semaine. ben je vais dire Tortoli et Arbatax. Ce n'est pas, je vais dire, du métier, a pas de diplôme. Je vais dire, ça peut, je vais dire, étonner plus d'un, mais je vais dire, moi, on s'aime. Et, bon, ben je vais dire, sur place, je vais dire, je pouvais rien faire de mieux que d'entendre Tortoli et Arbatax et de poser le même acte technique. Radio Panique 105.4. Je vais dire, donc il y a aucun danger, je vais dire, pour la personne. Je vais dire. Je vais dire. Je vais dire, c'est l'émission donc Tortoli et Arbatax. Je vais dire, c'est le moment de la chronique de l'expression de la semaine. Je vais dire. Je vais dire, c'est le moment où deux chroniques, deux expressions s'affrontent au sein d'une même chronique. Je vais dire. Voilà, c'est ça. Je veux dire, on rappelle à la base toujours les scores de la semaine précédente et puis après, je veux dire, on en propose deux autres pour la semaine à venir. Voilà, et je vais dire, les auditeurs vont en fonction de qui fait quoi, quoi fait qui. Si tu choisis, tu aimes, tu aimes pas. Je veux dire, même s'il ne possède pas Facebook. Je veux dire, il ne possède pas le moyen technique. Je veux dire, pour voter sur Facebook, ils peuvent aussi, je veux dire, voter via notre adresse mail. Je veux dire, les connexions se font. Tortoliarbatax@gmail.com. Je veux dire, non mais à partir de là, il y a pas deux solutions. Je veux dire. Très bien, arrêtons là. Bon, on arrête. Arrêtons là, je vais dire, parce que c'est le début. C'est le début d'une nouvelle ère. Voilà. D'une nouvelle ère. Et pour bien commencer, nouvelle ère, Tortoli, une bonne branlée pour te remettre les pendules à l'heure. Ouais, une bonne fessée, ça fait toujours avancer. Hein. Donc, toi-même, tu sais. Donc, la semaine dernière, on avait. Bon, on était dans un champ lexical. Dans culinaire. Dans, voilà. On était dans le linéaire. Et donc, de ton côté, tu avais proposé. L'avoir dans l'oignon. L'avoir dans l'oignon, ouais, qui n'a récolté à ma connaissance que 3 votes. C'est pas mal. C'est vrai que l'oignon est moins apprécié que le légume que tu as. Et moi j'avais la bonne vieille expression se faire carotter, expression fameuse des cours de récré. Enfin, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas été dans les cours de récré, hein, c'est pas comme toi. Mais tu peux peut-être me dire si cette expression est toujours en vogue dans les cours de récré. Tu t'es fait carotter ton stylo. Je sais pas, ça fait longtemps que je ne fréquente plus l'école primaire. Enfin, bref, bah ça a dû être rappelé ça a dû éveiller un petit sentiment nostalgique à certains, puisqu'il y en a quand même 5 qui ont voté, donc on est sur 5-3, on est sur victoire de se faire carotter, quoi. La carotte levée, quoi. On lève les carottes bien haut, quoi. Non, ça le fait, bravo. Et un auditeur qui avait proposé, comme l'avoir dans l'oignon, mais à Bruxelles, on aurait dit l'avoir dans le chou. Hein. Bon, ouais. Oui, sympa. Bien vu. Ah ouais, je l'ai même pas retenu, ça m'a plu. C'est une petite proposition comme ça, il aurait aimé que tu proposes d'avoir dans le chou. Bon. Écoute. L'oignon est plus imagé. Écoute, l'avis des auditeurs ne m'importe. Arrêtez de proposer. Lui, il veut du vote. Moi, quoi. Je m'en fous. Il veut des voix, pas de proposition. J'utiliserai vos expressions, amis auditeurs, à partir du moment où vous voterez pour mes expressions. Voilà. C'est pas du chantage, c'est juste. Voilà, ça fonctionne comme ça. C'est donnant. Tiens, tant qu'il y a non, parce que je vais pas te casser toute l'émission, Tortoli, donc on va tout faire en une fois. Juste avant, là, le morceau que t'avais lancé juste avant, Métronomie, oui. English Riviera, tu nous dis c'est la Côte d'Azur française, je ne sais quoi, l'English Riviera, c'est la côte septentrionale de l'Angleterre, hein, la côte de Torquay, tout ça, apparemment. Donc nous avons vérifié quand même. Si. Voilà. C'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est très tordu mais bougrement intelligent. Voilà. Bravo. Une petite rectification, voilà. Non mais comme ça c'est fait, hein. Comme c'est ça, vrai. On repart donc sur une nouvelle ère. C'est ma langue à fourchette. Ouais. Voilà. C'est ça. Non mais c'est fini l'expression culinaire. C'était la. Ah pardon. C'était la semaine dernière. J'étais encore dessus. Excuse-moi. Bon, et pour cette semaine, t'as quelque chose. On envoie les deux, ouais, propositions. Vas-y, parce que. Mais je te propose de la dire en première, parce que la mienne est un peu. Bon, c'est jamais dans la finesse, mais là, ça l'est encore moins. Tu préfères que je passe en premier telle la vaseline pour ensuite envoyer le. Oui, j'enverrai le bousin derrière. D'accord. Tranquillement. Vas-y. Alors moi c'est sympa. C'est juste pour dire faire quelque chose en vitesse, faire quelque chose en speed. Moi, mon expression, ça va être le faire en 6-4-12, quoi. Hein, ah, non, mais tu vois, non, mais c'était en 6-4-12, quoi. C'était rapide. 6-4-12, voilà. Il y a une signification précise à ces chiffres. Eh ben, écoute, que tu as choisi. J'en sais rien, parce que 6 plus 4 font 10. Non, tu as dit que ça faisait longtemps que t'étais pas allé à l'école. Voilà, mais il y a des variantes, attention. Non, mais il y a des variantes, parce qu'il y en a qui sont plutôt de l'école du 6-4-2. On l'a fait en 6-4-2. D'accord, voilà. Mais ça c'est... Ah oui, non, c'est pas une formation en foot, hein. C'est pas offensif, défensif, 6-4-4-2 quoi. Non, non, c'est pour le dire. Bon, moi j'aime bien 6-4-12, parce que ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a une répartition géographique des gens qui utilisent plus 6-4-2, 6-4-12? Je pense que 6-4-12 se situerait un petit peu dans la vallée de la Seine, comme ça. Ça vaudrait le coup de faire un mémoire sur ce genre de travail. Et le 6-4-2, plutôt des gens qui seraient dans les Côtes d'Armor, quoi, par là. Tu me diras, hein, il y en a qui font des mémoires sur n'importe quoi. Et 6-4-2 serait plus logique en termes de coefficient. Il est typard. Il est typard. Allons-y pour le 6-4-12. Allez, 6-4-12. Allez, c'est parti. 6-4-12 pour monsieur. Une expression en 6-4-12. Euro, euro, euro. Voilà, Tortoli, à toi. Montre-moi ce que t'as dans le bide. Alors voilà, je vais te montrer ce que j'ai dans le bide, même un peu plus bas. Mon expression est... Oui, c'est ça. Mais ça, je m'y attendais. Il y a quelqu'un qui arrive. J'ai pas entendu. Il y a quelqu'un qui arrive. Oui, tu peux aussi l'utiliser comme ça, mais c'est histoire de dire en douce, il y a quelqu'un qui arrive. C'est aussi pour dire. Alors là, je viens de l'entendre. Je crois bien que j'ai entendu. J'ai envie d'aller aux toilettes, quoi. Voilà. Tu vois. Et pour dire. Je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Oui, voilà. Si quelqu'un est en train de frapper à la porte, il dit ah, il y a quelqu'un qui arrive, mais ça peut être aussi pour dire il faut que j'aille aux toilettes. Mais est-ce que ton caca frappe à la porte ou sonne à l'interphone? Comment ça se passe? Y a-t-il un digicode, un truc? Non. Tu fais ce que tu veux de ton caca. Oh, d'accord. Ton caca est indépendant. Il est libre de ses choix. Non, non. Non, c'est encore une expression tout en finesse. Non, c'est de la Monsieur finesse. Tortoli. C'est de la finesse. Je démarre le mois de septembre de manière assez vulgos. Excusez-moi. Bon, nickel, nickel. Eh ben, c'est dans la boîte. C'est dans la boîte. La boîte à. La boîte à quelqu'un. À quelqu'un. Voilà. Bah oui, justement. Exactement. Voilà, c'est voilà. Ça qui. Elle est belle. J'aime bien la réactivité. C'est bon, c'est bon. On répète simplement pour voter. Ça se passe sur Facebook. Vous mettez dans les commentaires votre expression préférée, à savoir. Y'a quelqu'un qui arrive face à. Faire quelque chose en 6-4-12. Ah, voilà. 6-4-12, je ne sais plus. 12, j'ai une petite préférence, je sais pas pourquoi. Si les gens mettent 6-4-2, est-ce que ça pose vraiment problème? Ça fait un demi-vote, quoi. Enfin, il en faudrait deux pour me faire un vote, quoi. D'accord. Hein, donc, n'hésitez pas à on voter. On s'arrange comme on peut, hein, dans la famille Arbatax. Donnant, quoi. Très bien. Ah, bah bon. Hein, voilà. On est un peu de l'école de la rue. On est un peu de Saint-Josse, quand même, à la base. Saint-Josse, Minervois, il n'y a qu'un pas. Prends ça. Voilà, toujours est-il qu'on. Minervoison, d'ailleurs. Minervoison en musique. Maintenant que l'expression de la semaine est faite, on va se remettre deux petits semors. Il va y avoir d'abord un petit hommage à DJ Mehdi, vous le savez sûrement, il y a un accident mortel il y a un peu plus d'une semaine. Ouais, non, il y a une semaine, ouais, c'était mardi d'avant. D'avant, ouais. Pas, ça pas fait hier, deux semaines. Mais la semaine d'avant, voilà. Ok, ça fait 8 jours. Paraît-il que sa mezzanine s'est effondrée, voilà. Ouais. Tragique. Et du coup, petit hommage, on va se passer un morceau qui s'appelle Signature et dont le clip se passait dans le nord de la France, dans les Flandres françaises, avec quelqu'un du collectif Courtrage-Mer, hein. C'était Bart. C'était Barthélémy, ouais, voilà. Exact. Et voilà, regardez donc le clip et on va se faire ce morceau, hommage à DJ Mehdi, et puis ce sera suivi par un morceau de l'écurie Ninja Tune, Todd Lattie en featuring avec Roots Manuva, le morceau s'appelle Watch Me Dance. Ah, très bien. Donc c'est un morceau signé DJ Mehdi. C'est ça, signature. Signature. On reste ensemble jusqu'à 19h. Tortoli Arbatax 105.4. J'ajoute que ce morceau a été demandé par un ami venant de Germanie, Adrian, big up. We'll be right back. Bonjour, vous écoutez ces deux gros cons de Tortoli et Arbatax. Vous êtes contents. Ça tombe bien, eux aussi. Tout ça, sur radiopanique.org ou sur le 105.4 à Bruxelles. You, I like how you don't show any chance with you. I'm trying to show you how we gonna move, cause your type of body make me feel so rude. Like real, like what, like who you? Got me inside the chance with your voodoo. Now you're ready to reveal that new you. Got the proof for myself with your new shoe. So don't you take them off, my nigga, put you done set me off. Like, they make me flare my nostril. Press it too, but you might tear my nostril. Like, you and I got nothing to prove now. Gonna put my loin on you now. Gonna spread some oil on you now. Gonna disjoint we do now. What you done, girl? What you done? Move your body, it's too high. Too high. Too high. Too high. What you done, girl? What you done? Move your body, it's too high. This feeling is a feeling I feel deep within my bones, in my bones. This feeling is a feeling I would like to hold, to hold. We don't got to be sleazy. All we do is we recognize we ain't got control. We ain't got control, we don't have control. Watch me dance, girl, watch me dance, watch me dance. Move your body, it's too high, too high, too high, too high, too high, too high. Watch me dance, girl, watch me dance, watch me dance. Move your body, it's too high. J'ai lu dans je sais plus quel magazine que... En Belgique, 10% de la population est exclue du jeu de la société. Mais c'est un cauchemar! Vous réagissez négativement! Et le tiers-monde, vous en faites quoi? C'est une bonne question! D'écouter Radio Panique. Sur place ou emporté? D'écouter Tortoli et Arbatax. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Agissons ensemble contre l'analphabétisme. De retour dans les studios de Radio Panique, vous tout, écoutez Tortoli et Arbatax. C'est ça. Sur le 105.4. Yes, yes, man. Et la voix qu'on a entendue juste avant dans le petit jingle, cette voix nous a rejoint. Incroyable, l'analphabétisme. Incroyable, mais je ne sais rien dire d'autre. Et analphabète. Vous l'avez reconnu. Attendez, on peut peut-être. C'est l'homme de l'analphabétisme. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, on peut lui redemander. Ensemble contre l'analphabétisme. Ça c'est en live. C'est en live. Ça c'est, il est là, il est parmi nous. Il est quel honneur. C'est incroyable. Mais on peut pas donner son prénom, à moins qu'il veuille le donner lui-même. Non, non, donne, Jean-Pierre donne Feuillin. Comme tu veux. Jean-Pierre Feuillin, ça va. Nickel, bon Feuillin, bien ou quoi? Ça va, ça fait plaisir que tu passes comme ouais, ça. Ça va, tranquille. Tranquillou. Et toi? Bah, nickel, nickel, là, t'arrives mi-émission, quoi. Je sais pas quelle heure il est exactement, 18h35, 40 quoi. Bah oui, 30. On allait passer à l'agenda culturel, tu connais un peu l'émission, t'écoutes de temps en temps? Non, j'aime pas trop quoi. C'est... t'as vu, tu le... Appelez-moi la sécurité, faites-le sortir. Sortez-le. Il sort direct. Sortez-le. Et ouais, bah non, mais ouais, bien sûr. Bon, écoute, on va se lancer le petit agenda culturel, on en reparle juste après. Ouais. Tu peux intervenir quand tu veux, tu peux dire un alphabétisme. C'est excellent, quand alphabétisme. Ça tient. Voilà. C'est excellent, il n'y a pas de problème. Même plus besoin de jingle, il va nous les faire en live. C'est bon quoi. C'est ça, non mais c'est ça, c'est bon d'avoir des potes quoi. Il y avait, normalement il y a un jingle agenda Q, c'est ça? Exactement, puisqu'on passe donc à l'agenda culturel, des activités culturelles sur Bruxelles et sa région. Et donc on va se présenter 2-3 trucs à partir de maintenant. Alphabétisme. Monsieur Analphabétisme, vous connaissez? Oui, agenda Q. L'agenda culturel. Il connaît l'agenda. Culturel! Yes, I! Pas si analphabète que ça. Très bien. Il ressemble, hein, mais il est loin de l'être. Il ressemble, mais il est très loin. Il est loin de l'être. L'être. Les lettres. Analphabétisme. Ouais, l'être, il est bien. Pas mal. Analphabétisme. Elle est bonne. Bon, nickel. Passons à l'agenda Q alors. S'il vous plaît. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait ce soir juste après? Ce soir, nous sommes le mercredi 21 septembre, jour de la fin de l'été, jour du début de l'automne. Oui, monsieur analphabète l'aura remarqué, forcément. Hein, quoi? Non, il n'a pas une... Apparemment, il sait lire et écrire, mais les dates... Non, pas encore. C'est encore, un encore peu, intégré. C'est un peu compliqué, là. On est sur un calendrier de l'avant pour l'instant, là. Alors, équinoxe, monsieur Feuillin, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'équinoxe d'automne? Je sens que cet agenda Q va être très compliqué. D'accord, bon... Toujours est-il que il est temps de présenter les soirées de c'est ce ça, mercredi. Ce mercredi 21 septembre, jour de l'équinoxe, etc. Ce mercredi au Café Central, il y a The Experimental Tropic Blues Band à 20h. J'ai pas bien l'alphabet, dit, bah, mais j'ai pas compris. Experimental Tropic Blues Band. Nice. Là, j'ai fait un peu l'accent de Nashville. Mais ah ouais, mais toi, t'as habité sur la English Riviera. Oui, sur la Côte d'Azur, exactement. Tranquille, à l'époque où tu te mangeais des petits Tupperware. Cet agenda Q est bien parti. Donc voilà, The Experimental Tropic Blues Band, c'est au Café Central, c'est à 20h. Et ils font un concert à l'occasion de la sortie de leur nouveau 45 tours qui s'appelle The Best Burger. The Best Burger. Et ouais. Attends, je reviens, ils sortent des 45 tours, les mecs. Ouais, bah ouais, c'est rock, mec. Ouais, et ouais. Ok, mec. Et ouais, ça te dérange pas si je dis mec. Pourquoi pas un CD, mec? Bah parce que, mec, ils sont comme ça, les gars, je vais dire. Voilà. 45 tours, mec. Bon, bah cool, non, mais c'est la classe. Y'a pas de soucis. Et tu sais qui fait la fin de soirée? Bah, je sais pas, toi, comme d'hab. Non, en fait. Tout nu sur un capot devant. Ouais, non, c'est pas moi. Ça sera la soirée, elle est avec Dop, D-O-P, alias DJ Saucisse. Voilà. D'accord. C'est pas que je le connaisse, ce monsieur, mais le prénom me fait rire. Oui, enfin, le Blaze. Enfin, voilà, le Blaze. Je vois. C'est peut-être un prénom, hein. Il y en a qui appellent leurs enfants Saucisse. Saucisse. Oui, oui, c'est arrivé. C'est ça. Monsieur et madame Knacky. Saucisse d'avant, Saucisse, ouais. De Montebourg. Les malheurs de Saucisse. Ouais. Ouais, ouais, je connais. Arnaud de Montebourg, là. Les casse-filles du docteur Saucisse. Son fils s'appelle Saucisse. D'accord. Saucisse de Montebourg. Ouais, c'est de la bonne dope, ça, de toute façon. Elle est bonne. Bon, Café Central, pas mal. Pas mal. On passe au jeudi. Tout à fait. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait demain? Jeudi 22 septembre, notre ami Dr Quest qu'on n'a pas vu depuis un petit bout de temps. Enfin, en tout cas pour moi personnellement, je lui fais un petit big up. Il sera présent au Bonnefoy pour sa soirée mensuelle, hein, j'ai envie de dire, Quest for the Beat. Donc c'est à partir de 22h et il sera accompagné ce soir-là de Aski et de DJ Imas ou Emas. Analphabétisme. Analphabétisme. Merci monsieur Feuillin. Merci. Et il t'en coûtera 0€, donc c'est Bonnefoy quoi, voilà. Très bien, on passe un autre jour alors. C'est ça. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait vendredi pour commencer bien le week-end? Bon, deux grosses actus. Donc il y a deux grosses soirées sur Bruxelles. Là, ce week-end. On ouvre le gros classeur à soirée. Voilà, donc des soirées qui sont toutes les deux sur deux jours, vendredi et samedi. Je commence par. Alors, quel classeur tu prends en premier? Le classeur rouge, le classeur jaune? Attention, je prends. Ah, ça, c'est mes factures. Attends, c'est un petit peu le mornel. Putain, c'est une lettre de ton ex. Je n'ai pas eu d'ex en fait. Enfin, j'attends d'en avoir une. Une ex-voiture, non? Ah, une oui, j'ai eu ça. T'as eu ça? Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. C'est réglé. Voilà. Donc, là, bah, évidemment, vous avez pas pu louper les affiches dans Bruxelles. Le Red Stripe Reggae Bass Festival. Donc, sur deux jours, ça se passe à Tour et Taxi. Donc, c'est du reggae. Red Stripe, c'est le sponsor. Voilà, on va pas s'étendre dessus. C'est une bière jamaïcaine, machin. Donc, c'est, voilà, bref. Et je vais pas commencer par les tarots, on en parlera après. On va d'abord se faire le line-up. Tu veux jouer au tarot? Voilà, donc vendredi ça commence à 16h. Comment ça se passe? Ça commence à 16h et c'est nos potes de Radio Panique Réservoir Dub qui commence donc sur les coups de 16h. Donc là faut y aller, faut sortir du boulot et puis y aller. Et puis ensuite, allez, je vous en donne, il y a les Blackboard Jungle, il y a de France, il y a Slima Sound, King Step Sound, ça c'est des Belges. Et puis on finit la soirée avec Bigarinx et son DJ Attili Bandalero, de France aussi, Bigarinx, qu'on avait interviewé au mois de mars. Et qu'on passera sûrement après cet agenda culturel. Tout à fait. Bien. Non, mais ah, bien, les connexions se font. Non, c'est vrai qu'il y a quand même des connexions. Ouais, voilà. C'est pas mal. Et puis, samedi, on commence à 12h45, tranquille. Ça, c'est toujours pour le Red Stripe. Voilà, toujours à Tour et Taxi, Black Magic, Apollo, Irie Nation, Blackboard Jungle, encore une fois, Jeffrey, Vibronix from UK et The Disciples. Ensemble contre l'analphabétisme. Il fait le DJ. C'est pas de l'analphabétisme, c'est juste que c'est une langue étrangère. Là, c'est différent. C'est différent, monsieur Feuillin. Monsieur Feuillin. Voilà, donc vendredi, samedi, quoi. N'hésitez pas à aller voir le line-up. Il y a du bon son. Il y a quand même 35 kilowatts de son. Hein. Je t'explique pas le sound system. J'espère qu'ils ramènent pas ça en remorque. 35 kilowatts, ouais, ça fait lourd. 35 kilowatts. Si on parle des choses qui fâchent, en pré-vente, 10 euros la journée, 15 euros les deux fâcher, jours. Hein, tu vas pas me fâcher avec 10 euros. Si tu achètes ta place à la porte. Voilà, t'arrives, ah, tu toques. Tu toques, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive, tu te présentes et tout tranquille et tu dis je veux payer. Là, par contre, c'est 15 euros la journée, ah bah ouais. 20 euros les deux jours. Voilà. Et le même week-end, grosse concurrence, il y a le Make It Burn 2011, donc un festival qui existait les années précédentes et donc rebelote cette année. Ça se passe à Vilvoorde sur le Tarot. Là, on est dans les cartes. Les gars, là, je suis en plein travail. À un moment donné, dans cette émission, c'est sérieux, c'est maintenant. Pour moi, c'est maintenant. Viens là, monsieur Feuillin, faire une crapette, tranquille. Donc ça se passe à Vilvoorde, c'est le festival Make It Burn 2011, au domaine des Trois Fontaines, pour ceux qui connaissent, hein, je le dis pour contre Kems. Je... Ah, ah, pas mal. Bien vu, bien vu. Pas mal, pas mal. C'est quoi mon signe? C'est quoi? T'avais... Tu te grattes le nez. C'est ça, c'est quand je me touche le nez. Le nez. Donc là, c'est un petit peu multi-activité, multi-culturel. Ça commence par des skate et snowboard contest. Snowboard, je me posais pas la question comment ils font, j'en sais rien. Comment ils font? Bah je sais pas. Ah bon. Neige artificielle sur de la pelouse, sur une moquette, je sais pas. Feu d'artifice à minuit, il y a des cracheurs de feu, des jongleries, des trucs machin, enfin genre médiéval, des montreurs d'ours, je sais quoi. Le sample de cracheurs de feu. Il est mortel. Et en fait, il y aura carrément 4 scènes sur le domaine et puis plusieurs line-up, disons plusieurs programmations et ça va de la drum and bass au reggae ragga dancehall, il y a du dub trip hop jazz un petit peu comme ça chill quoi. Il y a une scène hip-hop. Il y a une scène électro-minimal techno, il y a une scène dubstep, une scène électro-swing. Ça en fait plus que 4, mais ils s'organisent avec les 4 scènes. Bref, le line-up, il est tellement fat que je vous le donne pas. Et je rappelle aussi que ça coûte 18 euros la journée, à peu près. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé sur internet. L'information n'est pas forcément exacte, mais je crois que c'est 18 euros. Ce n'est pas forcément exact de ce que tu racontes. Un alphabétisme. Mais il faut savoir qu'il y a 1 euro par ticket qui est pour la bonne cause, qui est reversé à la scolarité. C'est bon, ça des enfants c'est bon d'Afrique, c'est pas mal, ouais. C'est bon, ça hein, pour alors luttons pour... ensemble contre l'analphabétisme. J'allais dire, mais monsieur Feuillant, vous êtes actif. Il est incroyable. C'est ce que j'allais dire, c'est pour lutter contre l'analphabétisme. Donc voilà, donc 1 euro par ticket. Lui, il est venu aux répétitions de l'émission. Ah, parce qu'on répète hein, chaque semaine, évidemment, tous les week-ends, tout ça, on répète. Et puis, il y a un camping et un parking, et c'est gratos, voilà pour moi. C'est bon, ça. Et donc, ça, c'était le vendredi. Vendredi et samedi donc, okay. Hein, voilà, deux festoches. Alors moi je vais te la faire rapide. Vendredi à la gare du Congrès, Bruxelles Congrès, ouais. Il y a une soirée, une grosse soirée, Estonian Invasion. Les gens de Tallinn qui nous envahissent. En 6-4-12 hein, monsieur. Oui mais en musique, toujours en musique, puisqu'il y aura Tallinn Daggers, Malcolm Lincoln et un autre groupe de Bruxelles, Bruxelles Pony Club. Voilà, l'entrée elle est à 10 euros ou 12 euros si tu tapes à la porte et que tu prends ta place que maintenant. La soirée se déroule de 22h à 5h du mat et c'est à Bruxelles Congrès. Je sais pas si vous avez remarqué le nombre de groupes qui s'appellent Pony. Ouais. Pony Express, Pony ouais. Run Run, Pony Machin. Ouais, je suis trop d'accord. Ouais, c'est n'importe quoi. Et là maintenant il y a Bruxelles Pony Club. Voilà. C'est bon, et après c'est quoi? Ça va être l'année prochaine, la mode, c'est Natation Club. Après c'est quoi? C'est Pony Club Prout Prout. Ouais, c'est, ouais. Non, c'est incroyable. Enfin bref, donc, ok, voilà. Gare du Congrès, excuse-moi. Excuse-moi, il y a pas de soucis. Temps, bon, t'avais non, dit que tu donnant, faisais en, donnant, en 6, donnant, 4, 12, donnant, donnant, donnant, donnant. Voilà, donc on est rendu au troisième donnant. Poursuivons. Moi, j'ai également un autre festival, c'est un festival de chansons françaises. Oui, monsieur, Arb Attack. D'accord, ceux qui aiment la chanson française, ça je sais dit, très bien. Merci. Ensuite, aïe, aïe, aïe. C'est le Rallye Chanson Française, c'est dans 14 lieux dans Bruxelles. Il y a plus de 50 concerts qui sont gratuits. Personne ne suit. Panalphabet. Non, je suis bouche bée, quoi. Tu es bouche bée, d'accord. Donc, parmi ces 50 concerts, il y aura notamment Mathieu Bogart, Alec et les Japonaises, Acro, le mec de Starflame, Marca, Julos Bocarn, etc., etc. C'est vendredi, samedi et dimanche dans plus de 14 lieux à Bruxelles. Enfin, je dis plus de 14 lieux parce que c'est la formule de dire ça. Plus de 14, alors que c'est 14. D'accord. Voilà. C'est oui, c'est vrai. Ça. Voilà, c'est ça. Non, c'est juste... Plus de 200 plus de... concerts. Non, en fait, c'est 188, voilà. Mais voilà. C'est... S'en fout, quoi. Personne n'a jamais compté. Donc voilà. De toute façon, vous irez pas compter. Quoi. Voilà. Voilà. Moi, j'ai à peu près fini, quoi. Toi, t'as quelque chose? Bah, mardi prochain, 17h, Tortoli Arb Attack sur Radio Panique. Fin de cet voilà. Agenda culturel. Yes man. Yes, et on repart donc sur du son, Monsieur Feuillin. Hein. Donc là, le principe c'est qu'on va se mettre un petit morceau. Hein. Je sais pas, on repart sur un petit Bigarynx. Un petit Bigarynx. Puisqu'on avait annoncé le festival Red Strike. Il sera là vendredi soir. Bigarynx, jeune MC DJ toaster français. Voilà, donc qui monte. Hein, et là, on a un morceau qui s'appelle Gypsy Rock. Gypsy Rock, mais ouais. Souvenez-vous, Bigarynx, on l'avait interviewé et ça donnait un truc comme ça. Waouh, les archives. Bonsoir à vous tous, c'est Bigarynx qui représente pour Tortoli et Arb Attack. Oh, you mean? Things them proper and clean, this is a stepmother dream. Bigarynx all the way from out of France, come for nice up your dance, you gotta watch the performance. Je kiffe Bruxelles, BX to the maximum. Pour tous les massifs. Yeah. B.I.G. Democracy. Yeah man, poor people live in luxury. Yes I. Bigarynx, le morceau Gypsy Rock. Bigarynx sort un nouvel album au mois d'octobre. On n'a pas encore les morceaux mais ça ne saurait venir. En attendant, Gypsy Rock sur Tortoli Arb Attack. Radio Panique. Analphabet. T'es Monsieur Feuillin, t'es chez nous. But when you're hungry and I'm hungry, the feeling is the same. I have the right to be what I am. But until you kill me, I'm still a living man. One. Tell me what I want. Why you wanna treat me like the latest dumb? You sound a freak, I'm a punk, you think I fake the coin. But the world is my home, so you can tell me none. Yeah, I'm a world citizen, I don't wanna sit and listen. Cause your moral lost, no sense, your discipline got lost in flames. Now you freak out cause my caravan got tracked by your pen. So I tell it to me friends, say you want the world friends. How long did it take us to be free? How long did it take us to be free? Follow me, you call it gypsy rock. I said the people with that gypsy rock. Gypsy rock. I said the people with that gypsy rock. Gypsy rock. I said the people with that gypsy rock. Gypsy rock. I said the people with that gypsy rock. They wanna see me go. Tell me why the government and the system they don't love me so. They wanna see me go. Tell me why the government and the system they don't love me so. You got a gypsy rock. I said the people with that gypsy rock. Gypsy rock. I said the people with that gypsy rock. I've a right to be what I am. But when you're thirsty and I'm thirsty, the feeling is the same. I've a right to be what I am. But when you call and I'm cold, the feeling is the same. Ever the letter one, then I keep James Bay. Sí, señor. Espero que me gusta. Gypsy rock. I said the people with that gypsy rock. Gypsy rock. I said the people with that gypsy rock. Gypsy rock. I gypsy rock. Yeah, I'm a real vagabond. You ever see me in a town living guys and no man? I'm a gypsy guy. I've got no guitar, I'm a mic superstar. And the music that I create make me passing by. I'm not a massive guy, strictly with a vibe. Hard drugs will never, never trouble my mind. Give me my girl and my book, I grow the herb and the hook. I keep my gypsy attitude and I saw a step fly. Gypsy rock, I serve the people with a gypsy rock. Gypsy rock, I serve the people with a gypsy rock. Gypsy rock. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je me présente, je m'appelle Tortoli. Ne fais pas mongolien, ne fais sourd, il peut rien. Et ça te fait pas de la peine? C'est possible, mais toutes les télés ont parlé de cette histoire. Et je ne suis pas tout seul. Ah, vous êtes plusieurs? Deux. Ben, c'était un début. Je m'appelle Arbatax. Je fais partie du FBI. Comme par hasard. Je suis quand même pas plus con que tous ces imbéciles. Nous sommes Tortoli et Arbatax. Vous êtes des pécassiennes du pouvoir. Qui vous a dit ça? Et quand vous l'aurez plus ce pouvoir, vous savez où vous allez vous retrouver? Dans la merde. C'est votre élément, la merde. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est des mouches à merde. Et maintenant, un petit peu de musique. Musique. Musique. Musique. Musique. Musique. Musique. We'll be right back. bien la petite voix du jingle. J'ai lu dans je sais plus quel magazine que... En Belgique, 10% de la population est exclue du jeu de la société. Mais c'est un cauchemar! Vous réagissez négativement! Et le tiers-monde, vous en faites quoi? C'est une bonne question. D'écouter Radio Panique. Sur place ou emporté. D'écouter Tortoli et Arbatax. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Agissons ensemble contre l'analphabétisme. Agissons ensemble contre l'analphabétisme. Et cet homme est avec nous, Monsieur voilà, Feuillin. Monsieur voilà. Feuillin qui est passé que, nous voir. Est-ce que c'est possible de nous refaire juste cette petite partie de phrase? Rien que pour nous. D'accord. Alors, je vous la fais en... En mono en ou accent, en accent. Comme tu veux. En alto, castra, s'il vous plaît. Luttons ensemble contre l'analphabétisme. Oh, ouais. Et faisons-le bien. Et faisons-le bien. Ah, il l'a bien fait. Oh, ça me fait quelque chose quand même. Mortel. Ça me fait quelque chose. Merci de t'être déplacé jusqu'ici, Monsieur Feuillin. Ouais, je peux y aller maintenant. T'as une promotion, une actu, quelque chose? On serait sur un nouveau jingle, quelque non, chose? Non, moi j'ai prévu, je sais pas, dans une minute là, d'écouter un peu les expressions de la semaine là. Tu voudrais peut-être qu'on te les rappelle brièvement? Ouais. Alors Monsieur Arbatax qui est à ta droite défendait l'expression suivante. On les appelait. Voilà, donc c'est faire quelque chose en 6-4-12. Donc, d'accord, speed, ça me dit quelque chose. T'as un peu dit ça 12 fois. Ok, cool. Voilà. Ouais, ça me plaît ça. En 6-4-12. Mais c'est deux, mais bon, ouais, ok. Ou en 6-4-2. Toi, t'es plutôt de l'école 6-4-2. Parce que justement, avant que t'arrives. On va voir. C'est incroyable. Voilà. Il n'a pas écouté l'émission et déjà il réagit. C'est quand même. Il est quand même fort, monsieur Feuillin. Il est très fort. Donc 6-4-12, quoi. Ça, voilà. Ok. Mais le 1 du 12, c'est peut-être la clope qui sort du. De la bouche du 2 là, non? Ah, il y a une idée. Oula, dis donc, attendez. C'est bon, je conçois la radio. Je laisse le soin aux auditeurs de tester ça chez. On serait sur un intello de l'expression de la. Dis donc, il est relou. Il intellectualise tout, il est relou. Ensemble contre la NAF. Très bien. Et face à cela, il y avait une autre expression qui était. Il y a quelqu'un qui arrive. Ah, les rires qui approuvent. Ah, ouais, ok. Voilà, pour dire il y a quelqu'un qui arrive. Ah, parce comme, que j'étais cru quoi en plus. Voilà. Pas mal. Non mais attends, tu vas voir. Que... Donc tu peux réserver ton choix, opérer une petite minute de réflexion. Ouais, j'essaie de voir un peu le meilleur. Qui mais là, d'entrée de jeu comme ça, tu partirais sur quelque chose. Tu vas te laisser influencer. Feeling, tu vas te laisser influencer. Arbatax, ne réfléchis pas. Enlève ta main de lui. Ça, je lui fais pas mal, ça. Pas de problème. 6-4-12 alors. Ouais, c'est bon. Putain. Yes, c'est bien parti. Tu peux sortir, c'est bon. Passé trop loin. T'as fini. Ah bah ok, ouais. Je sais, une vitre nous sépare. Bon bah merci à tous d'avoir écouté cette émission. Il va être 19h. Il est temps de se quitter, de rendre l'antenne, comme on dit. Juste après ça, c'est la rubrique 12-10 sur Radio Panique. Là dans quelques minutes, le sujet 2. Les états généraux de l'eau à Bruxelles. Vaste sujet qui nous est bien étranger. Surtout toi Tortolien, l'eau ça... Si, avec le pastis, ça passe. Ah, avec le pastis. Alors peut-être une émission qui te concerne. Reste connecté sur le 105.4. Restez à l'écoute. Nous on se rejoint la semaine prochaine. Horaires normaux. On revient à la normalité 17h-18h. Et ça sera le mardi. Voilà. Donc on reprend notre petite case dans la programmation. En attendant, voilà, amusez-vous bien. N'hésitez pas à voter pour les expressions de la semaine. Il y a quelqu'un là-bas, on vous laisse. Il y a quelqu'un là-bas. Il y a quelqu'un qui arrive. Ah, il vient de voter pour la mienne. Merci, ça fait 1-1. Pas mal. Bien joué. Non, il ne peut pas voter deux fois, c'est pas possible. Il vient de me dire qu'il annulait son premier vote. Et c'est vrai qu'on nous fait signe qu'il y a des petites frustrations sur le générique Ménélique qu'on a dû couper et mettre le feu et les bombes à Saint-Josse. Et qu'on est, voilà. Bref, le générique avait été un petit peu poulopé. Frustration, on se le remet. C'était Ménélique. C'était tout baigne. Oui. À l'ancienne. Tout baigne. Et voilà, on vous laisse là-dessus, c'est le classique de la semaine. Tortoli. Kenavo. Kenavo. Salut. Tiens, bah moi j'ai une soirée crêpe. Il est encore là, lui, monsieur Feuillin. A bientôt, monsieur Feuillin. Merci, monsieur. Au revoir. A la semaine prochaine. Allez, bonne éclate. Ah ouais. Ouais, on verra. Mardi, 17h, 18h. Tortoli, Art Attack. Radio Panique. Casser la voix. Évidemment, sur ces parties, la vie n'a pas de sens. La tribu en formation, toujours dans la France. Laisse ton corps me parler et continuons l'ambiance. Oni, toi qui mal y pense. Le damier est dans la place. Paris est dans la place. New York est dans la place. La Tessie est là aussi. Nouméa est dans la place. Marseille est dans la place. là le dad. S'il te plaît, passe-moi du coca. Non, pas d'embrouille, non, je ne veux pas de coca. Juste goûter de ce jus que jalousement tu conserves. Avec toi je converse, afin qu'on se serve. Mettons donc de côté les dégueux qui tiennent les plaques. Regarde donc ces beautés, je t'invite à faire la blague. Donc suis-moi, on ira, on verra, on vaincra. Je ne sais pas où on va, mais qui vivra verra. Oh non, non, non, je suis pas une idole. Sur le damier de Paul, tous les gars de Paul m'épaulent. Ainsi nous voici partis, tranquille. Tu l'as dit l'ami, accompagné des bonnes. Fait que sur la piste on rallie. Sydney dans la place. Sans faux semblant, je saisis au vol la perche que tu me tends. Un groove que rien n'arrête, des beaux qui se complètent. Mais la fête serait pas parfaite sans quelques demoiselles bien faites. Ça se passe comme ça. Mais je ne consomme pas rapidement, je déguste le plat. Le jeu en vaut la chandelle, stimule mes papilles. Les mignonnes m'émoutillent, à leur vue je vacille. Elles ondulent, je la sens, tous mes sens en éveil. Tout baigne dans l'eau, dans l'huile sous le soleil. Elles ont toutes de belles plastiques, je m'arme de mon plastique. On m'appelle pas pour rien, l'homme qui tombe à pic. La fête est éphémère, mais au fond, on s'en fout. Qu'importe le temps, la nuit est à nous. Tokyo est dans la place. Dakar est dans la place. Yaoundé est dans la place. La Leda est là aussi. Berlin est dans la place. Tout paye, même pour les gens qui se plaignent. Ça se passe comme ça. La la li la li la li la li la la. Je vais dire, Tortoli et Herbatax. Ce n'est pas, je vais dire, du métier, il n'y a pas de diplôme. Je vais dire, ça peut, je vais dire, étonner plus d'un.